Nakas se lusa, già de chantar nous de graver talen. Già de chantar nous de graver talen, car un mais chante piets me vai d'amour, que plagne plur fan en mil urestagi, car en mala mercè ai mes mon cor e me, e sembre num rete trop ai fats l'un badagi. Ai, bels amics, si vals un bel semblant mi faits enan que moira de dolour, que l'amadur vous tenu per salvage, car gioia num ave de vous, d'un num recré d'amar per buna fe, tous temps s'escor voulage. Mas ja vas vous, nun aurai cor truam ni ple d'engan, si tout vous n'ai pejur, ca gran honor m'utegne mon courage. Ans pens, ca mi souve del riprès que us manté, e sai ben que us couve domna d'ausur paragi. Depois vous vi, fui al vostre cuman, e tant per tant, amics, nous n'ag melur, que pregiadur nous mandez ni message, que j'envirez l'ufré, amics, nous fassat re, car jois nous mi suspe, a pauc de dol nous raggi. Si pro iagès, beus membria enchantant, caig vostre gan, que em grei ab gran temur, pois, aig paur que iaguessets damnaige, dai cela que us rete, amics, perquè eu desse lo tornei, car ben cre que eu non ai poderagi. Des cavalier conus qui fan lur dans, car ja prejam domna plus que las lur, qu'autra ricur nu ian, ni senurage, que pois domna save d'amar, prejar deu be cavalier, sen l'ulve pruesa e vassalage. Domna namiels anxé, amso du mals mi ve, ca sel qui pres manté, avas mi cor voulagi. Bels nums, gest num recré de vous amar jacé, car viu en buna fe, buntats e ferm couragi.